Vous êtes à l'écoute du territoire. Cette semaine, des histoires de pêche. C'est drôle, tout le monde la connaît celle-là. Peut-être racontée par un oncle, sûrement un peu à la blague, hein, qui nous parle d'une truite qu'il a pêchée dans le lac au chalet. Elle était longue de même! Puis c'est là que l'oncle en question mime entre ses deux paumes la longueur de la bête, qui étrangement n'arrête pas de grandir à mesure que l'histoire avance, à mesure que l'histoire est racontée de nouveau. Partout en mer, c'est maintenant un peu l'histoire inverse qui se déroule. Les poissons diminuent en taille, diminuent en nombre, et les pêcheurs peinent à maintenir vivants les récits extraordinaires auxquels on a appris à les identifier. En septembre dernier, pour notre deuxième reportage aux îles de la Madeleine, Renaud et moi, Paul Fontaine, nous sommes réfugiés à l'abri de la tempête, un bar bien connu ici pour y brasser des idées. On y a appris qu'au printemps dernier, une suspension des pêches aux harengs et aux maquereaux a été instaurée par Pêche Océan Canada, seulement quelques jours après la livraison des permis de pêche. Le mécontentement a alors exposé des différends profonds entre l'organe gouvernemental et les pêcheurs dont il encadre les activités. Mais avec les changements climatiques, la mer se réchauffe, ce qui empire le sort des espèces que la surpêche des années 70 et 80 a ravagées. La pêche n'a pas le choix de changer. Mais comment ces changements s'opéreront-ils et qui laisseront-ils derrière? Des îles de la Madeleine, un archipel en forme d'hameçon, dont Renaud Chicoine McKenzie nous rapporte les témoignages d'une génération de pêcheurs qui a tout à perdre. C'est un peu par hasard que tout commence au quai du Havre-Aubert, à l'extrémité sud-ouest des îles de la Madeleine. Paul et moi y sommes allés un peu naïvement à la recherche de pêcheurs. Le quai est désert. Une dune de sable s'élève au loin, c'est Sandy Hook, le crochet de l'hameçon. Je flâne un peu pendant que Paul tente de prendre du son d'ambiance pour ce reportage. Le calme est si total que pour avoir quelque chose à enregistrer, il doit lui-même jeter des cailloux à la mer. Soudain, en m'en retournant vers le stationnement à l'entrée du quai, je vois Paul à la fenêtre d'un petit véhicule gris. Réal, je suis un déraspe. Réal comment? Déraspe. Réal déraspe. L'homme qui est installé est costaud, une belle touffe de cheveux gris. Il a un accent des îles et une voix qui projette. Une voix pour percer les vagues et le vent. Tu restes à grande entrée, c'est ça? Je reste à grande entrée, oui. T'es né là? Je suis né à Montréal de parents madelinos. OK. Déménagé aux îles pour commencer l'école. On était attachés sur la corde à linge, moi et mon frère. Avec un harnais. Indécrochable. C'est ça. On se sauva à Montréal. On se sauva. Fait que ma maman, elle me la folle, elle ne trouvait plus. Si on rencontre Réal Déraspe sur le quai de Havre-Aubert, ce n'est pas un hasard. C'est quand même presque miraculeux, toutefois, que ce soit exactement celui qu'on cherchait. Quelqu'un qui pourrait nous raconter sa vie en mer et ses métamorphoses. Je suis pêcheur de profession, ouais. Une fin de quarantaine d'années, oui. Mais comment ça à 13 ans? Puis j'ai 63 ans, ça fait que. C'est ça. J'ai fait d'autres choses entre temps, du travail d'usine, mais surtout la pêche. Pour gagner ma vie, c'est la pêche. J'ai pêché le hareng, j'ai pêché le homard, le crabe, le maquereau, la morue, et j'ai pêché au requin aussi. Ça impressionne beaucoup de monde, mais là, le requin s'est arrêté, il est protégé, puis c'est très bien qu'il soit protégé. Mais ça a 8 pieds de long, ça pèse 300, 400 livres. Et moi, j'ai vu ça sortir complètement de l'eau, s'enrouler autour de ma corde, casser ma corde, puis bye-bye, il est parti. Il est perdu, il est parti avec tout ça, j'ai pas pu rien faire. Ça part combien de temps? 4 heures. Les histoires de pêcheurs ne seraient pas des histoires de pêcheurs sans leurs emportées romantiques. Mais elles n'ont pas besoin de monstres pour ça. Le métier seul suffit. J'ai été chez les bottes Terre-Neuve. J'ai fait les bottes Terre-Neuve. J'ai fait le gros Inland. On s'imagine des hommes sur leur monture de ferraille partir à l'assaut de leur Moby Dick à eux. Un coup de chalut, 10 minutes, 17 tonnes de morue. C'est incroyable. T'enlèves de la Morue sur les bancs de Terre-Neuve, où t'as 35 bateaux à la fois, là. T'enlèves de la Morue, il y en a d'autres qui prennent la place. T'enlèves de la Morue, il y en a d'autres qui prennent la place. Puis à un moment donné, il n'y en a plus qui arrivent. On pouvait vivre de la Morue, la pêche à la Morue, la pêche au flétan. À cette heure, ben là, le flétan, il y en a encore. La Morue, c'est terminé. Le hareng, c'est terminé. Le maquereau, c'est terminé. Moi, j'ai vu trois fois le hareng disparaître. Puis il est revenu, mais là, il revient plus. Là. Dans ses excès romantiques, la pêche du 20e siècle atteint des niveaux insoutenables. Ce qui arrive, c'est une révolution dans un mode de vie, dans les façons de faire d'une communauté entière, à coups de disparition et de moratoire. Des révolutions invisibles aux yeux de ceux qui ne font que visiter. Le dessous, les touristes, ah, oh, c'est beau, ah, oh, c'est beau. C'est tout. Il y a beaucoup de pauvres ici, hein. Beaucoup de riches, beaucoup de pauvres. Ouais. Puis là, on n'a pas que du maquereau ici pour notre hiver, là, on n'est plus capable. Regarde, il y a une mesure à respecter, puis il n'y en a pas beaucoup. La discussion s'achève sur ces paroles résignées. Mais Réal Deraspe tient à nous remonter le moral en nous graciant d'une offrande. Ouais, un morceau de pâté au flétan. Ben non, arrête. Ah non, j'en fasse. Leur hospitalité n'est pas une réputation usurpée. Écrit en 1968, l'ethnologue française Aliette Geisdorfer, qui a passé sa vie à étudier les pêcheurs des îles de la Madeleine. Leur hospitalité n'est pas une réputation usurpée. Un Ilien est obligé d'inviter l'ami, le parent, le visiteur, à rentrer chez lui et à prendre un repas, s'il est midi ou 16 heures. Tout n'a pas changé. Sur la route 199, qui nous ramène d'ouest en est vers notre camping, des pancartes électorales nous signalent des élections prochaines. Nous sommes en septembre et le temps est chaud. Nous nous réjouissons d'avoir un aperçu de l'histoire de Réal Deraspe. Il semblait fier et tissait facilement sa carrière dans une histoire en bon rencontreur. Mais son histoire et sa fierté sont-elles représentatives? Sont-elles celles de sa communauté entière? Les recherches montrent plutôt que les pêcheurs madelinos ne se sont pas toujours identifiés à leur métier. Vers la fin des années 1960, au moment d'écrire « Pêcheurs acadiens, pêcheurs madelinos, ethnologie d'une communauté de pêcheurs », Aliette Geisdorfer constate plutôt le mouvement contraire. La révolution tranquille, la sécularisation de l'éducation, et avec elle, l'appel de la ville et de la terre ferme détournent les madelinos des quais vers les universités. Ils quittent les îles en quête d'un métier moins rude et plus payant. Les jeunes ne savent plus parler la morue ou le hareng, disent les vieux, rapporte l'ethnologue. Comment se fait-il que, 60 ans plus tard, Réal Deraspe, un pêcheur, qui est pourtant né à cette époque et a passé sa vie en mer, en tire, lui, de son métier, une fierté évidente. Je dirais que l'histoire des îles de la Madeleine est de façon indissociable liée aux pêcheries. Joël Arsenault, le député des îles de la Madeleine à l'Assemblée nationale. Même s'il est en pleine campagne électorale quand, le lendemain, nous le rencontrons dans ses quartiers généraux de Cap-aux-Meules, Joël Arsenault nous accueille et se transforme, le temps d'une entrevue, en professeur d'histoire. Ça a été d'abord un endroit où on allait faire la pêche, mais traditionnellement, il était difficile de gagner sa vie à travers l'industrie de la pêche, bon, qui était au départ, en fait, essentiellement une pêche artisanale, et on était éloigné insulaire, et puis on était sous le régime des marchands aussi. Donc tous les pêcheurs devaient acheter leur appât, leur gréement, même la farine, et ainsi de suite, et ils pêchaient jamais suffisamment pour sortir des dettes. Ils étaient sous le joug des marchands. Ce que Joël Arsenault décrit, c'est une économie de quasi-servitude souvent associée au colonialisme, mais dont les pêcheurs au Québec ont longtemps été les victimes. Aux îles de la Madeleine, les propriétaires des « factories à homard », comme on appelait les usines de transformation, et ceux des boucaneries possédaient l'équipement de pêche et gardaient sous tutelle les pêcheurs de l'archipel, maintenus dans une dépendance perpétuelle envers les marchands, dette et survie ont longtemps été synonymes pour les Maginots. C'est sorti de ce modèle-là avec le modèle coopératif dans les années 1920, 30, 40. On a aussi développé une certaine capacité à justement à se prendre en main à tous égards sur le plan économique, y compris dans la pêche. Mais la pêche a connu des soubresauts, donc on a eu souvent des cycles qui étaient extrêmement difficiles pour les pêcheurs et beaucoup de gens qui, à une certaine époque, même jusqu'aux années 60-70, voyaient la pêche comme un métier qui était non seulement dur à pratiquer, mais qui nous condamnait là, aussi à vivre un peu en situation de vulnérabilité, sinon pauvreté. On devenait pas riche en étant pêcheur. Et je dirais que les années 80 ont permis vraiment aux gens d'ici de reprendre en main leur industrie. Et parallèlement, ben, on a vu, contrairement à d'autres communautés d'ailleurs à travers l'Atlantique, on a vu qu'il se développait cette espèce de sentiment profond que la culture madeleinienne, la culture insulaire était intimement liée à la pêche, mais que ça en devenait une fierté, ça devenait extrêmement digne. Peut-être est-ce le caractère exceptionnel de leur métier qui les commet à une communion avec la nature de plus en plus rare, ou encore parce qu'ils sont les porteurs de l'histoire, que les pêcheurs revêtent leur métier avec une fierté nouvelle à la fin du 20e siècle. Le paradoxe de cette histoire, c'est que dans les années 80, précisément au moment où le métier de pêcheur brille à son plus fort, quelque chose craque sous la surface de l'eau. En 1987, des pêcheurs sur les côtes du Labrador sonnent l'alarme. Les stocks de morue diminuent de façon inquiétante. En 1992, la réalité rattrape tout le monde, et le moratoire de la morue fait chavirer un pan entier de l'industrie de la pêche québécoise. La réalité tout entière, c'est que presque toutes les espèces de poissons pélagiques et de fond sont dans un état critique. La pêche, ce n'est pas seulement la pêche. Depuis que les îles forment une collectivité de pêcheurs, l'industrie de transformation revêt une importance capitale. C'est elle qui, jusqu'aux années 60, employait les femmes et les aînés à éventrer les poissons, à les fileter, à les saler, à les fumer. Ces travailleurs aussi ont été frappés de plein fouet par l'effondrement des stocks de poissons pélagiques. Les moratoires et bien sûr, la suspension de la pêche au maquereau et au hareng de ce printemps. Si la plupart du maquereau et du hareng étaient utilisés comme appât pour les cages à homards, les boucaneries, ces entreprises profondément ancrées dans le paysage des îles de la Madeleine, en dépendent aussi. Et là, vous êtes à l'Université du Québec, là? Ouais. Rimouski? Université de Montréal. Université de Montréal. Ouais. Et pourquoi est-ce que la cour... Nous sommes au fumoir d'antan, à Havre-aux-Maisons, au centre de l'archipel. Et ça? C'est Benoît Arsenault. Qui c'est qui va écouter ça? Qui est d'abord un peu dubitatif par rapport à toute notre affaire. Il décide finalement de nous faire confiance. Donc, bienvenue chez nous. Bienvenue au fumoir d'antan. Mon nom, c'est Ben Arsenault. Ben à Ben? Ben à Ben, parce que mon père s'appelle Ben. OK? Donc ici, aux Îles-de-la-Madeleine, pour s'identifier à la... Pour s'assurer qu'on parle de la bonne personne, c'est souvent le prénom du père et le prénom, ton prénom et le prénom du père, OK? Parce que pour faire référence, des Benoît Arsenault, je reconnais comme quatre. Donc, pour être sûr de parler de la bonne personne, OK, on s'enligne comme ça. Donc, c'est comme ça que ça se passe ici, chérie. Ben Aben est un grand gaillard. Assis face à nous deux, il dominera la discussion de gestes amples. Ses mains pourraient tenir en place un navire. Ses poignets sont des mâts. Et au début, Paul et moi avons un peu peur qu'il fasse chavirer la table où nous apprêtons à l'interviewer. Jusqu'au moment où une vieille amie vient amadouer ce doux géant. Salut, Smoky! Vous êtes là? Vous êtes ici? Ah oui? Vous êtes là? Ben oui! Elle est fille, ça! Hein? Vous êtes là? Ah oui? Vous êtes là? Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Smoky! Ben Smoky! Smoky! Bref, tout commence comme il se doit, avec une petite leçon d'histoire. Donc, bienvenue au Fumoin. Le Fumoin, belle entreprise familiale. Écoute, le Fumoin a été construit par mon grand-père en 1940. Okay. À l'époque, le boucanage du hareng aux îles de la Madeleine, c'était une industrie. Il y avait sur le territoire une quarantaine de boucaneries ou de fumoirs. On fumait chaque printemps plus de 5 millions de kilos. C'était légal et on aimait ça. Hein? Donc, le hareng boucané, ça marchait bien, ça marchait fort. Puis, à un moment donné, au mi-temps des années 1960, avec l'industrialisation du monde en général, et puis le peu de restrictions sur les eaux territoriales internationales, m'arriva ce qui lui arrivait. Et de 65 à 75, destruction massive des stocks de hareng autour des îles de la Madeleine, qui, par la bande, amenait à la fermeture complète des fumoirs. Donc les fumoirs des îles se sont éteints de 1973 à 1970. Partout sur les îles, les fumoirs ferment. C'est un destin qui semble inévitable. Et puis à un moment donné, nous autres, mon père s'est levé une matinée, puis il a dit ça, il a dit on va démolir, on va faire comme les autres. Et la phrase magique qu'on a dit, c'est celle-ci, et si le hareng revient? Donc on a attendu quelques années, puis au milieu des années 80, début des années 90, on a commencé à revoir le hareng sur les côtes des îles. Et c'est comme ça qu'en 1996, le fumoir est reparti en boucane. Une famille s'est donc remise en marche dans le ventre de l'unique boucanerie qui lui restait. Donc, les fumoirs, écoute, ce sont des bâtiments qui peuvent s'apparenter un peu à une grange, OK? Puis on imagine qu'on est dans la salle de fumage, puis on se lève la tête. C'est des rangées de 2x4 où ce qu'on vient déposer des baguettes remplies de poissons, OK? Sur chaque baguette suspendue, dans les hauteurs du fumoir, une quinzaine de harengs sont murés, enfilés par les branchies. Les harengs sont ainsi fumés de 60 à 90 jours. 2 à 3 mois durant lesquels les feux sont entretenus sans relâche afin de sécher le poisson et d'en faire un jerky. La technique du boucanage est simple, mais cache, on s'en doute, un savoir-faire riche de mille et une subtilités. Ben à Ben est l'un des derniers détenteurs de ces secrets. Mais si la suspension de la pêche au hareng et au maquereau que Pêche et Océan Canada a instaurée au printemps s'éternise, ils sont voués à disparaître. C'est la première année depuis 25 ans que ma boucanerie ne boucane pas. T'sais. Fait que je l'ai entendu tout l'été. Il y a des visiteurs qui sont passés ici cet été, qui étaient venus les années antérieures. Puis quand j'ouvrais la porte de la boucanerie, là, pouf, c'était le nuage de boucan qui sortait de là. C'était les milliers d'arrêts cuivrés suspendus à l'intérieur du fumoir. C'était un odeur permanente sur le site. Ça fait qu'en débarquant de l'automobile, tu le sentais, tu comprends-tu? Et ça, cette année, la tradition du boucanage aurait dû bénéficier d'une exemption, selon Benoît Arsenault. En son absence, ce qui disparaît avec les bancs de maquereau et de hareng, ce n'est pas seulement un savoir-faire, mais aussi tout un pan de l'histoire des îles. Quand je vous ai dit tantôt, d'entrée de jeu, que le fumoir du grand-père avait été fermé pendant 25 ans. Donc on a réussi à l'arracher, à repartir la business, puis à récupérer les bâtiments traditionnels, la recette, et c'est ça la culture, tu sais. Donc on a réussi à la remettre en vie, à la repartir. Et si tu me poses la question, c'est sûr que s'il n'y a plus d'arrêt, à un moment donné, cette technique-là, elle va disparaître, elle va disparaître, tu sais. Et puis ça me fait peur, ça me fait peur, ça. Mais au niveau de la transfo, quelqu'un qui... Pour les scientifiques de Pêche et Océan Canada, la suspension de la pêche au hareng et au maquereau n'arrive pas trop tôt. En fait, ça fait un certain temps que l'heure est grave dans le sud du golfe du Saint-Laurent, région qui inclut les îles de la Madeleine. Le maquereau, comme la morue, est disparu principalement à cause de la surpêche. Selon Elisabeth Van Beveren, biologiste à l'Institut Maurice Lamontagne et spécialiste de l'espèce, il est toutefois improbable que la suspension en 2 ans seulement, parviennent à rétablir les populations. Il faudra attendre plus longtemps, selon elle. La tragédie, si on veut, c'est qu'à elle seule, la suspension de la pêche ne changera probablement rien au stock de hareng. Selon Nicolas Roland, chef de section Poissons et mammifères marins chez Pêche et Océan Canada, il faudra encore quelques années avant que le hareng reprenne de la vigueur. Pour les pêcheurs et les politiciens qui les représentent, ça ne change en rien le fait que la suspension a été faite de manière inacceptable. Ben, c'est ça, la mesure, elle est draconienne, puis c'est un moratoire déguisé, c'est une... Joël Arsenault, député des Îles de la Madeleine à l'Assemblée nationale. Ils n'ont pas obtenu, d'ailleurs, les données scientifiques à l'appui de la décision du gouvernement fédéral 2 jours avant le début de la pêche. Ils avaient préparé leur gréement, ils avaient préparé leur pêche, et ils étaient prêts à partir en mer 2 jours avant. On leur dit, c'est suspendu, et parce que ce n'est pas un moratoire, mais que c'est une suspension, on n'a aucun programme de soutien à vous offrir, vous perdez votre gagne-pain, et c'est la fin de l'histoire en attendant la suite. Cédric Arsenault, le directeur de Pêche et Océans Canada pour la région des Îles de la Madeleine, consent que le moment où la suspension est tombée est inopportun. Mais il assure que la décision a été prise aussitôt que possible. En fait, je pense que idéalement, on essaye de prendre la décision le plus tôt possible. Dans ce contexte-là, l'annonce a été faite le 30 mars et le comité consultatif précédent avait eu lieu aux alentours du 20 février. C'est sûr qu'on ça donne pas beaucoup une marge de manœuvre à l'industrie en faisant une annonce le 30 mars, là. Mais avec notre processus consultatif et notre processus de révision des séances, je pense que c'était le plus rapide qui était possible pour nous autres. Face à l'appel à des mesures de soutien pour les pêcheurs, Cédric Arsenault hésite un instant. La seule fois qu'on a fait un programme d'aide, ça remonte à la fermeture de la morue dans les années 90. Selon lui, les conséquences de la présente suspension n'ont aucune commune mesure avec celle du moratoire à la morue. Et la fermeture de la morue dans les années 90 était une tragédie industrielle très lourde. L'impact socio-économique de la fermeture à ce moment-là était vraiment gigantesque. On a parlé de 40 000 pertes d'emplois en Atlantique. Puis là, mes chiffres sont pas précis, ils remontent à très longtemps. On parle d'une catastrophe industrielle à grande échelle. Dans le contexte actuel, le hareng et le maquereau ne se situent pas à la même place. Là-dessus, toutefois, la plupart s'accordent pour dire que la pêche au hareng et au maquereau n'ont plus l'importance économique qu'elles avaient. Le hareng n'est pratiquement plus présent sur les côtes de l'archipel depuis 10 ans, et le maquereau non plus. Le député Joël Arsenault maintient que Pêche et Océans Canada a failli à sa tâche, même si les causes de la disparition des espèces sont d'une magnitude qui dépasse le seul golfe du Saint-Laurent. Donc, c'est l'échec de ces mesures de conservation-là qu'on constate. Et la responsabilité, elle appartient au gestionnaire, mais la conséquence, elle est entièrement sur les épaules des pêcheurs. Et c'est ça qui est dramatique. Puis c'est ça qui n'est pas arrivé dans la pêche au homard, parce que les pêcheurs de homard, eux... Comment les pêcheurs réagissent-ils aux décisions de Pêche et Océans Canada? Réal Deraspe, que nous avions rencontré sur le quai de Havre-Aubert, semblait résigné. Mais y en a-t-il qui luttent? Heureusement, Réal Deraspe ne nous a pas seulement donné une entrevue et un pâté au flétan lorsque nous lui avons parlé, il nous a aussi référé à un cousin éloigné, très impliqué dans les questions politiques entourant la pêche. J'étais. Ghislain Cyr. Beaucoup moins, c'est tard. Ça fait mon temps. Ça fait ton temps? Ben, tu sais, passer ma vie là-dedans, puis je vois que le résultat, sur bien des affaires, c'est comme... Nous autres, les vieux, là, ben, on connaît rien, puis j'ai l'impression qu'on veut plus rien savoir de nous autres. C'est un homme visiblement frustré que nous rencontrons sur un rang de l'étang du Nord, un village de l'île de Cap-aux-Meules, dans une grange encombrée de câblages, de bois et d'outils. Nous interrompons son travail. Dans le Bordeaux, on est réparation de maison, réno, des affaires de bateaux, des affaires de chasse. Tout se fait en même temps. Ghislain Cyr, comme Réal Deraspe, a grandi à une époque qui semble aujourd'hui lointaine. Ben, c'était familial, la famille, c'était ça, tu sais, la chasse, la pêche, tout ce qui était cueillette, c'était ça. Tu sais, autant les fruits sauvages que les armes à feu. On avait des armes à feu, on avait 8 ans, on avait des armes à feu dans les mains. Là. Tu sais, on est né avec ça, là. Puis, on commençait à pêcher, on avait 14 ans, 15 ans, 16 ans, on commençait à pêcher. La carrière de Ghislain Cyr a pris son envol dans les années qui précèdent la tombée du moratoire de la pêche à la morue. Ben, ça fait depuis les années 80 que je pêche comme maître pêcheur, après ça, 87-88 comme pêcheur propriétaire. J'étais dans le poisson de fond à l'époque, dans le pêche à la morue beaucoup, flétant. On pêchait les autres espèces aussi, on pêchait du hareng, du maquereau jusqu'à l'automne, c'est du printemps à... du mois d'avril à novembre, fin novembre. Très longue saison, c'était 27-28 semaines de pêche. tout au long de sa vie, les poissons qu'il pêchait n'ont cessé de disparaître. Commencé à l'âge d'or de la pêche atlantique, sa carrière s'achève au glas des espèces qui lui assuraient sa subsistance. Mais comme Joël Arsenault, Ghislain Cyr s'indigne surtout de la façon par laquelle on a fini par appliquer la suspension de la pêche au hareng et au maquereau. Ça, c'est culturel, la nourriture, le goût de ça, c'est culturel. Aller à la pêche, c'est culturel aussi d'une façon, c'est pas juste argent, argent, argent. C'est aller faire un métier, c'est une vocation un peu, où ce que tu vas à la pêche, t'es pas pressé, tu vois chaque pêche, t'en aller, c'est un mode de vie, comme un fermier ou c'est d'autres choses. Mais si t'enlèves, tu vas te couper un moratoire. Puis à chaque fois qu'on a un problème, on met un moratoire. Mais on laisse quelqu'un à terre. On laisse l'expertise qu'on a, nous autres, dans toutes ces années-là d'accumuler, t'es en train de dire, regarde, ils sont en train de nous dire, on n'en a pas besoin. Entre ces deux questions, celle de la perte d'un mode de vie traditionnel d'un côté et celle de la protection des espèces de l'autre, deux savoirs différents s'affrontent, deux méthodologies peut-être irréconciliables. Selon Elisabeth Van Beveren, biologiste à l'Institut Maurice Lamontagne, ce n'est pas tellement qu'on n'en a pas besoin, mais que c'est une information impossible à utiliser scientifiquement. Le savoir expérientiel des pêcheurs, anecdotique, souvent contradictoire selon elle, s'insère mal dans le cadre d'une évaluation des stocks. Pour que le savoir des pêcheurs soit pris en compte dans les études des biologistes comme Elisabeth Van Beveren ou Nicolas Roland, il faudrait qu'il soit systématisé. Si la pêche l'est de plus en plus systématique, c'est aussi une réalité que Ghislain Cyr peine à accepter. Puis des conditions de pêche, c'est 15 pages de conditions à lire, puis à... Faut pas qu'il y ait un hameçon autre que l'hameçon que tu dois utiliser, même pas à bord du bateau, tu sais, à un moment donné. On est tout le temps débarqué, embarque du matériel, change de matériel, ben, à un moment donné, ça pue d'allure. Ouais. Ils font ça, j'imagine, pour... Contrôle absolu. Il a une maladie, ça s'appelle ça le contrôle absolu ou la jalousie. On retrouve chez Ghislain Cyr et Réal Deraspe des échos semblables, des échos d'un mode de vie de plus en plus lointain, d'une communion avec la nature intense et essentielle, romantique, mais peut-être aussi anachronique. Ben, c'est avant ça, tu en allais sur l'eau, tu étais libre. Tu sortais du havre d'ici, tu disais, ben, finalement, tu sais, j'oublie la terre, je m'en vais sur l'eau, j'ai mes affaires, je me concentre de ce que je fais, je me concentre de ce que je vaux, qu'est-ce qu'il y a autour de moi. Je ne m'occupais pas du reste, mais aujourd'hui, non, non, tu peux pas. Mm-hmm. Impossible. Impossible, trop de contraintes. C'est quelque chose, là. Mm-hmm. Tu sais, puis à un moment donné, tu perds le feeling de la pêche, tu perds le feeling de ce qui se passe sur l'eau, là. Je suis sorti samedi soir pour aller au macro, puis je regardais sur le sondeur, là, t'as comme un peu perdu, là, tu sais. Il me semble que j'ai plus ça, là, le pif, ou tu perds ça, tu sais, c'est pas... Pour Ghislain Cyr, ce qui s'est perdu, c'est un rapport à la mer. Une communion paisible entre l'homme et son élément, mêlée d'héroïsme, et de danger. Mais les façons de faire abruptes de pêche et océan Canada ont failli, selon lui, et risquent d'entraîner avec elles toute une culture. Si on aurait pu ralentir la pêche à certains moments, puis garder quand même tout pour le côté culturel, puis aussi pour les connaissances, de laisser une certaine ouverture aux espèces. Mais là, c'est pas ça, on a fait. C'est bloqué, c'est fini. C'est bloqué, c'est fini. C'est bloqué, c'est fini. On passe plus de temps sur l'eau. On n'est plus là. Moi, je suis acadien, t'as des premiers arrivants. Quand on était jeune, là, du poisson, fallait en avoir. On s'en trouvait partout ce qu'on pouvait, on ramassait du poisson parce que c'est de la nourriture qu'on avait, c'était pour se sauver aussi, les périodes d'hiver. Là. Demande aux Acadiens, les plus vieux, encore 60 ans et plus que moi. Dans les métamorphoses de leur environnement, de leur métier, et des politiques qui l'encadrent, toute une génération de pêcheurs se retrouve aujourd'hui dépossédée. C'était la première, pourtant, à envisager sa profession comme une culture dont il fallait être fier. Il portait pour nous un savoir ancestral et mille et une histoires héroïques. Le sort tragique de ce patrimoine, c'est qu'on n'a peut-être plus le choix de lui tourner le dos. Il est tentant de relativiser la perte de ces hommes en la comparant au désastre environnemental que la surpêche a créé. Mais ce sont eux aussi les victimes. Les premières victimes humaines, en fait. Des politiques de pêche et océan Canada qui, sans cesse dépassées, n'a peut-être pas les outils pour freiner les crises d'une nature de plus en plus fragile. En attendant la suite des choses, peut-être saura-t-on trouver de l'espoir dans les exploits dont on se sait capable grâce aux histoires de pêcheurs. C'était « Un archipel en forme d'hameçon », un reportage de Renaud Chicoine-McKenzie, produit avec l'assistance de Paul Fontaine. Merci à Tracy Lindman, notre mentor dans le cadre du programme de la Canadian Association of Journalists. Notre musique originale est composée par Hugo Mayran, et cette émission est co-réalisée par moi-même, Paul Fontaine, et Renaud Chicoine-McKenzie. Nous remercions pour leur soutien financier la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, ainsi que l'Association des étudiants et étudiantes de la Faculté de l'éducation permanente de l'Université de Montréal. Je suis Paul Fontaine et je vous donne rendez-vous samedi prochain à 8h sur les ondes de CISM pour être de nouveau à l'écoute du territoire.